إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله وانظروا في عملكم واستعدوا لرحيلكم من هذه الدار إلى دار القرار وأين سيكون نزولكم أفي الجنة أم في النار وحقيق بمن تحقق قرب رحيله ولا يدري أين سيكون نزوله أن يخاف غاية الخوف وأن يستعد بأحسن ما لديه من الاستعداد وأن لا يغفل ولا يلهو ولا يفرح بمال زائل والدنيا فانية قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يفرحوا بفضله ورحمته وهما القرآن والإسلام لأنهما أكبر نعمة على العباد فينبغي للمسلم وينبغي للمسلمين جميعا أن يستبشروا ويغبطوا بهما ويتلذذوا بهما ولا شك أن من فرح بشيء تمسك به واحتفظ به وخاف من زواله كما أن المؤمنين يفرحون بنصر الله يفرحون بنصر الله لهم على أعدائهم لأن انتصار المؤمنين على الكافرين انتصارا للحق على الباطل قال تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وقال تعالى وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وإنما إذا كان مثلا الناس يفرحون بأمور تافهة من ضياع الوقت واللهو واللعب كالفرح بانتصار المنتخب الرياضي الفلاني على المنتخب الآخر ومنح الجوائز الكبيرة من المشجعين لهذه المنتخبات بل من الرجال والنساء من يخرج إلى الشوارع للفرح كما يحصل دائما من التطبيل والفخفرة والفخفخة وضيع الأموال والأوقات وإهدار الطاقات لا لشيء إلا أن فريقا انتصر على الآخر وبماذا انتصر؟ انتصر بقذف الكرة على هدف معين وما هي النتيجة والفائدة التي تعود على المسلمين في دينهم ودنياهم من وراء هذا العبث الذي عظم شأنه وهول أمره حتى صار كأنه شيء يذكر وهو لا شيء يا لسخفة العقول وضياع الحياء والرجولة إن الإنسان ليخجل أن يتحدث عن هذا ولكنه أصبح واقعا مريرا يتكرر ويتطور ويحاط بهالة من الإبكار والتبجيل والتشجيع في وسائل الإعلام وفي أوساط المجتمع، حتى آل الأمر ببعض الشباب المتهور إلى أن يقود سيارته في وسط الشارع بطيش وحمق من شدة الفرح، حتى نتج عن ذلك وقوع حوادث ونتج عنه إزعاج للمارة وغيرها وتهديد لسلامتهم. وفي الحكمة المشهورة أن كل شيء تجاوز حده ينقلب إلى ضده، ونحن نخشى من العقوبة التي تترتب على هذا التهور. إذا كان الإسلام لا يمنع من الرياضة البدنية المفيدة للجسم، فإن ذلك في حدود المعقول الذي لا يشغل عن واجب ديني أو عمل دنيوي نافع للفرد والمجتمع، بشرط أن لا يصل إلى حد التهور والمبالغة. وإذا كان الكفار يبالغون في تشجيع هذه الألعاب، فإنه لا يجوز لنا معشر المسلمين أن نقلدهم ونتشبه بهم، لأن ديننا يمنعنا من التشبه بهم، ولأن الكفار ليس لهم مستقبل أخروي يحافظون عليه ويستعدون له، لأنهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم ونسوا يوم الحساب. يقول تعالى: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا. وقال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وليس بعد الكفر ذنب، فلا يستغرب منهم الانشغال بهذه الترهات. أما المسلمون فإن واجبهم في هذه الحياة واجب عظيم، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فليس في حياة المسلمين فراغ للهو واللعب والعبث، ولكن حياتهم كلها جد في جد وعمل مثمر لديهم لدينهم ودنياهم لأنفسهم ولغيرهم. وكيف لا يكون عند المسلمين اليوم وكيف يكون للمسلمين اليوم فراغ للهو واللعب وقد تكالب عليهم أعداؤهم من اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم، وانتزعوا منهم بيت المقدس والأقصى الذي بارك الله حوله، وهو ثالث المساجد المقدسة التي تشد الرحال إليها للصلاة فيها، وهجموا على المسلمين في كل البلاد وفي كل مكان. نسأل الله العافية والسلامة. فهل يليق بالمسلمين مع هذا الواقع الأليم أن يضيعوا دقيقة واحدة من وقتهم أو درهما من أموالهم إلا في الاستعداد للخروج من هذه المحنة، وأن لا ينشغلوا في هذه الطرهات والتوافه المدحكة؟ فإنا نخشى أن تكون هذه المشاغل الرياضية بتخطيط من الكفار لإشغال المسلمين عن واجبهم وعن التنبه لمخططات أعدائهم، وحتى ينشأ جيل من الشباب المسلم على هذا اللهو واللعب لا يستطيع الجهاد في سبيل الله وتحمل المسؤولية، لأنه شباب لهو ولعب وميوعة. ألا يتعظ المسلمين بما يحصل في كثير من أنحاء العالم؟ هل يليق بمن يسمع هذه الأمور أو يشاهد أن يلهو ويلعب أو يشجع اللاعبين، أما يخشى أن يصيبه ما أصاب غيره من الفتن والمشاكل في أنحاء العالم. فاتقوا الله عباد الله، وتذكروا قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Serviteurs d'Allah, préservez-vous d'Allah et de son châtiment, et observez vos actions et préparez-vous pour la fin de votre voyage de cette vie vers la vie de l'au-delà. Et réfléchissez dès maintenant à où se trouvera et où sera votre destination dans l'au-delà. Est-ce que ce sera au paradis ou en enfer? Parce que c'est du devoir de chacun, lorsqu'il réalise qu'il arrive sur son chemin dans cette vie et qu'il approche de son terme, et personne d'entre nous ne connaît le moment de son terme. Alors, la personne intelligente, elle doit craindre de la plus grande crainte possible ce jour-là et se préparer de la meilleure préparation et ne pas tomber dans l'insouciance ou dans le jeu, le divertissement et la distraction futile. Et en même temps, elle ne doit pas non plus se réjouir d'un bien ou d'une richesse ou de l'argent qu'elle peut acquérir dans cette dunya, car toute richesse ou tout bien qu'il peut acquérir n'est qu'une jouissance et un plaisir éphémère. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le Coran, dit au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour la grâce d'Allah et pour sa miséricorde, voilà pourquoi ils doivent se réjouir. C'est meilleur que ce qu'ils peuvent rassembler. Essayez de vous rapprocher et de vous serrer les uns à côté des autres pour faire de l'espace pour les frères. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. On ne doit pas se réjouir, hein, et penser à une réjouissance pour des choses futiles dans la dunya, mais se réjouir de la chose la plus importante et de ce qui est vraiment fondamental pour nous, c'est-à-dire de la grâce d'Allah, la grâce qu'il nous a fait de nous avoir déjà guidés à l'islam, de nous avoir donné l'islam, de nous avoir donné ce Coran par lequel on peut être éclairé et illuminer notre chemin dans les ténèbres de l'égarement et de l'ignorance dans lesquels nous sommes. C'est de ça qu'il faut se réjouir. C'est ça la vraie raison qui justifie une réjouissance de la part du croyant. Parce que c'est la plus grande grâce que les serviteurs peuvent recevoir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ils doivent se réjouir de cette grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et de cette bénédiction que Allah leur a fait, et savourer le plaisir de cette grâce et de cette miséricorde que Allah nous a donnée. Et celui qui se réjouit d'une chose, il doit essayer de faire son possible pour s'y accrocher, pour s'y cramponner, pour essayer de le préserver le plus possible, c'est-à-dire de préserver cette grâce. De la même manière que les croyants se réjouissent également de la victoire d'Allah lorsqu'ils ont une victoire sur leurs ennemis, lorsqu'ils ont une victoire sur les koufars et les mushrikines, parce que la victoire des croyants sur les koufars représente une victoire de la vérité sur le faux. Mais si les gens ne pensent qu'à se réjouir pour des futilités, des jeux, des divertissements, des amusements futiles dans lesquels ils perdent leur temps uniquement parce que l'équipe de tel endroit a gagné contre l'équipe de l'autre, et que c'est pour ça que les hommes et les femmes sortent dans la rue pour célébrer, fêter, crier, sauter, taper des tambours, faire sauter des feux d'artifice, hein, monter sur les voitures, crier, faire des sauvageries. Eh bien ça, c'est un gaspillage d'énergie et de temps. Et qu'est-ce que ça fait si telle équipe a gagné sur telle équipe? Et ils ont gagné quoi? Ils ont frappé un ballon pour que ça rentre dans un but? C'est ça le grand exploit qu'ils ont accompli? De faire rentrer un ballon dans un filet? C'est ça le grand exploit pour lequel certains de ces gens-là sont payés des millions de dollars? Il faut utiliser la logique, il faut utiliser la tête, il faut utiliser la raison si on n'a pas de religion ou si on a une faiblesse dans notre religion. Allah nous a fait la miséricorde et la grâce de nous donner cet islam. Et celui qui n'a pas cet islam, à la limite, il devrait essayer d'utiliser la tête, le cerveau que Allah lui a donné, le cœur que Allah lui a donné pour réfléchir. Parce que c'est pas pour ça que les croyants doivent se réjouir pour des futilités pareilles. Et de voir les gens comme ça, des musulmans. Il y en a ici, c'est des koufars qui font ça. On va pas s'étonner qu'ils encouragent leurs équipes, qu'ils encouragent leur pays, qu'ils encouragent les joueurs de leur, hein, de telle ou de telle équipe, qu'ils sortent dans la rue avec leur voiture, les drapeaux, le klaxon, qu'ils dérangent les gens dans la rue, parfois même qu'ils fassent des choses qui sont dangereuses pour eux-mêmes et pour les autres et pour la circulation. On ne s'étonne pas de ça, de la part des koufars, mais de la part des muslimines, de la part des musulmans d'agir de cette manière. Quelle image! Les koufars, ils voient les musulmans faire ça et ils disent « Ah, ils sont contents, ils se réjouissent. » Et pour eux, c'est normal parce que c'est eux qui font ces choses-là. Et nous, quand on agit de cette manière, c'est uniquement parce qu'on est en train de les imiter. Et l'islam nous interdit de les imiter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum. » Donc on n'a pas le droit de les imiter. Donc il faut réfléchir sur tout ça. Les koufars, ils n'ont rien d'autre que cette vie d'ici-bas. Ils vivent uniquement pour cette dunya. Ils disent « In hiya illa hayatuna ad-dunya. Namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. » وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا. Ils ont dit, il n'y a que cette vie d'ici-bas. On meurt et on vit et il n'y a rien qui nous fait périr excepté le temps qui passe. Parce que ce sont des matérialistes. Ils ne croient qu'en cette vie d'ici-bas. Nous, les musulmans, nous savons et nous croyons qu'après la mort, il y a quelque chose. Il y a une résurrection. Il y a un jugement. Il y a une récompense. Il y a un châtiment, il y a des comptes qui nous attendent. Il y a quelque chose après. Et donc, on doit vivre en tenant compte de cette réalité-là. Et cette réalité, dans notre croyance, doit avoir un impact sur notre agissement, sur notre comportement. Hein? Si on dit à quelqu'un, le feu, si tu mets ta main dedans, tu vas te brûler. Et que tu le vois qui vient et qui met sa main dans le feu, tu vas lui dire quoi? Hein? Soit il ne croit pas que qu'est-ce que tu lui dis c'est vrai, ou bien il a un doute, il veut vérifier. Mais la personne qui est intelligente, elle prend une leçon de ce qui arrive aux autres. Et quand on regarde l'état des musulmans dans le monde, comment les koufars dans tous les pays font souffrir les musulmans et leur donnent des problèmes et des difficultés et leur rendent la vie dure et leur rendent l'application de leur religion difficile. Et nous, on a du temps à perdre, hein, pour faire des futilités comme ça. Est-ce que nous, on a vraiment du temps à perdre, nous les musulmans, dans ce monde? Surtout lorsqu'on regarde qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde musulman et dans le monde entier. Est-ce qu'on a une seule minute à gaspiller? Plutôt qu'on devrait, au lieu de faire ce genre de futilité, de perdre notre temps dans ces choses-là, utiliser notre temps justement pour essayer de nous remettre droit avec Allah et de corriger notre situation et d'améliorer notre état et d'essayer de s'élever. Et donc il n'y a pas de doute que justement toute cette attention et cet encouragement de ce genre de futilité, de ce genre de sport, même si le sport en islam, si on le pratique dans le but de rester en forme, de garder la forme, de rester en santé, de faire des activités physiques, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose d'encouragé. Mais si c'est uniquement dans le but, hein, de distraire les gens et de les divertir et de les détourner de ce qui est obligatoire dans leur religion et dans leur dunya, alors ça devient blâmable. Ça devient quelque chose de blâmable dans ce cas-là. Et tout cet effort qui est fait et toute cette médiatisation de ce genre de futilité, eh bien, c'est probablement une des ruses, parmi les ruses des koufars, pour faire en sorte que les musulmans s'éloignent de leurs obligations et de leurs responsabilités. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut réfléchir et prendre les moyens nécessaires pour cesser ce genre de choses. Hein? Subhanallah, quand tu vois ça, tu as envie de pleurer de voir la réalité de qu'est-ce qui se passe. Et si on fait un quartier à Montréal dans lequel il y a beaucoup de musulmans, ce quartier-là devrait refléter l'islam. Ce quartier-là devrait être un endroit qui laisse paraître la lumière d'Allah, la lumière de la religion, la lumière de la guidance. Ça devrait être un phare dans cette société d'égarement et de coffre pour essayer de faire connaître aux gens qui n'ont pas eu cette grâce, de leur faire connaître cette grâce, de leur faire connaître cet islam. Parce qu'il n'y a rien de mieux pour nous et il n'y a rien de mieux pour eux non plus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le musulman, il devrait aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nul d'entre vous n'est croyant jusqu'à ce qu'il ait aimé pour lui-même ou jusqu'à ce qu'il ait aimé pour son frère ce qu'il a aimé pour lui-même. Et si toi tu aimes l'islam pour toi-même, n'est-ce pas que tu devrais l'aimer pour les autres? Est-ce qu'il y a une plus grande grâce que cette grâce? Est-ce qu'il y a un plus grand bienfait que ce bienfait? Est-ce qu'il y a une plus grande miséricorde que cette miséricorde? Et donc pourquoi on ne la manifeste pas? Pourquoi on ne fait pas justement faire en sorte que les gens puissent la connaître et la transmettre aux autres? Donc tout ça c'est un rappel pour moi-même et pour nous tous, pour qu'on puisse réfléchir et ne pas se laisser distraire et détourner de qu'est-ce qui est plus important pour nous dans notre dunya et qu'est-ce qui nous procurera, inshallah, une sécurité dans l'au-delà. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم.